Bonjour à vous et bienvenue dans ce 14e épisode de Flux URSS. Cette fois-ci, c'est une suite directe de l'épisode précédent, de l'épisode numéro 13. Nous sommes toujours sur la conférence « Nos campagnes défient le changement climatique » qui a eu lieu le mardi 12 novembre 2019 à l'école des mines Albi-Carmont. Et cette fois-ci, nous écouterons Bruno Parmentier qui nous posera cette question pertinente « Quel impact du changement climatique sur l'agriculture et nos assiettes ?» En effet, c'est un ancien directeur de l'école d'agriculture d'Angers et il est spécialiste des questions climatiques et agriculture. Écoutez, eh bien, si vous n'avez pas écouté l'épisode précédent, allez l'écouter, ce serait une très bonne introduction. Sinon, je vous souhaite une très bonne écoute. USSR. Bonsoir. Donc, c'est un territoire rural. Donc, l'agriculture, c'est pas rien dans ces cas-là. Alors, c'est très court pour moi de faire une demi-heure, trois quarts d'heure. Je vais essayer d'y arriver quand même. Donc, je vais résumer, mais... j'irai pas assez profondément dans chacun des points. Mais d'abord, on va se demander quels sont les défis de l'agriculture, pour reprendre du recul, rapidement. Et puis, ce qui est intéressant quand on parle agriculture et réchauffement climatique, c'est que c'est le seul secteur d'activité qui est concerné trois fois. Parce que tout le monde est concerné par le réchauffement climatique, hein. Les plombiers, les coiffeuses, les marchands de téléphones portables, les profs. Enfin bon, tranquillement, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est d'abord concerné? Ben, c'est ceux qui utilisent le climat, ceux qui utilisent l'eau, ceux qui utilisent le rayonnement solaire, ceux qui ont peur de la grêle, de la tempête, de ceci, de cela, ben, c'est les paysans. Voilà. Et donc, quels sont les défis? Alors d'abord, rappelons que la journée se termine, et aujourd'hui, 360 000 bébés vont naître. La machine à faire des bébés fonctionne avec une régularité d'horloge, hein, voilà, c'est pas seulement Albi, on va dire Albi est très grande banlieue, 360 000 bébés, quoi qu'il arrive, tous les jours, dimanche, jour de fête, 14 juillet, 15 août, même le 29 février, ça marche aussi. Alors, c'est pas tellement le nombre de naissances qui importe, c'est le nombre de naissances moins le nombre de morts. À votre avis, il va mourir aujourd'hui plus de 360 000 personnes ou moins, avec tout ce qu'on entend Ben c'est moins. Hein? Un jour normal sur Terre, c'est 360 000 bébés qui arrivent et 160 000 qui dégagent. Voilà. Alors, je vous fais un contrôle, hein. Les bombardements en Irak, le tremblement de terre, machin chouette, grand-mère qui meurt de sa belle mort et l'accident de voiture. Autrement dit, aujourd'hui, on se fait 200 000 terriens de plus. Alors, si j'ai bien compris... votre communauté de communes, là, c'est 60 000 habitants, ben, on se fait 4 fois, ça, par jour. Voilà. La Terre s'agrandit de 4 fois votre communauté de communes, tous les jours. Ben, donc, c'est quand même pas rien, comme défi. Alors, 200 000 par jour, par 365 jours, 7 milliards et demi, 75 millions. On est 7 milliards et demi, je te rajoute 75 millions de terriens tous les ans. Donc il y a une feuille de route pour l'agriculture basique de chez Basique, tu vas m'augmenter, s'il te plaît, la production agricole de 1% par an. Sinon, comment veux-tu que ça le fasse? Mais alors là aussi, il faut se rendre compte que c'est un phénomène d'une nouveauté extraordinaire. Là, vous avez l'évolution de la population mondiale sur 2500 ans. Hein. Je commence en moins 400 avant Jésus-Christ, quand c'est les Grecs qui étaient les patrons, et je termine en 2100 quand on sera tous morts. Alors, si je me mets en 1600, et puis que j'imite un héros de l'histoire de France, et que je vous dis devant moi, 20 siècles vous contemple, qu'est-ce qui se passe en 20 siècles en matière de population mondiale? Ben, rien du tout. La population mondiale en 1600, elle ressemble étrangement à celle qu'il y avait 2000 ans avant. Voilà, il faut dire, il y a deux professions qui sont nulles et une profession qui assure. Alors, professions qui sont nulles, bon, je vous le fais rapide, les médecins. Hein, si vous êtes en 1600, ne tombez pas malade, et si jamais vous êtes malade, n'allez pas voir le médecin. Hein, vous lisez les pièces de Molière avant. Bon, les paysans nuls, et puis la profession qui assure, les militaires. Il faut dire, on se fait la guerre tout le temps, donc ça régule. Voilà. Et puis on arrive au 18e, au 19e, toutes les professions s'améliorent. Les médecins d'aujourd'hui sont bien meilleurs, les paysans sont bien meilleurs, mais les militaires aussi. Alors, on finit par avoir un peu de chuchote, on rattrape le militaire juste à temps, on lui dit, T'es pas obligé de t'exprimer complètement. Tu peux aller boire une bière à Saint-Cyr, au Côte Quidan ou au Jeuf, qui dit. Et donc, grosso modo, le paysan s'exprime à max, le médecin s'exprime à max, et certains militaires boivent des bières. Et donc, finalement, vous avez le résultat des courses, la population du monde est multipliée par 10 en 200 ans. En 1850, nous ne sommes qu'un milliard sur cette planète, en 2050, on va fricoter autour de 10 milliards. Joli petit défi, ils ont dit. Alors, puisqu'on est dans une école, on va traduire ça pour les jeunes d'aujourd'hui. Voilà, alors les jeunes d'aujourd'hui, là, ben, ils ont intérêt à faire des études parce que ça va leur durer longtemps, hein, le travail. Ils ne vont pas travailler 37 ans et demi, hein. Bon, eux, ils vont travailler 47 ans, 48 ans. Hein. Ils n'auront pas de retraite parce que c'est nous les dernières retraites, on va fermer la lumière en sortant. Enfin, ils auront peut-être un pot de départ en retraite. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour les jeunes d'aujourd'hui, entre aujourd'hui et leur pot de départ en retraite? Il y aura 1,1 milliard d'Asiatiques de plus. Il y aura 800 millions d'Africains noirs de plus, il y aura 400 millions de Latinos et 300 millions d'Arabes. Voilà, ça, c'est le défi d'une seule génération. Il va falloir les nourrir. Voilà. Et ensuite, voilà, on continue. Regardez par exemple, si on compare l'Europe et l'Afrique. Bien. Allez, comparons l'Europe et l'Afrique. Au moment où on commence les indépendances africaines, il y a deux fois plus de gens en Europe qu'en Afrique. Il faut dire, sans vouloir faire dans l'euphémisme, les Européens s'étaient assez employés à limiter la population africaine, on va dire. Hein. Voilà. Bien. Ils deviennent indépendants, commencent à se reproduire, ils nous doublent à toute vitesse en 1994. On ne l'a pas vu passer, chouf, ils nous doublent. Aujourd'hui, nous sommes 700 millions, non, nous sommes, pardon, 743 millions, 800 milliards 3. En l'espace de 70 ans, ils sont passés deux fois moins à deux fois plus. Mais ils ne s'arrêtent pas en si bon chemin. Hein? En 2050, ils seront 2 milliards 4. Autrement dit, à la question, faut-il augmenter la production agricole en Afrique? Moi, je dis, ouais, ce serait quand même une bonne idée. Hein? L'un dans l'autre. Voilà. Bon, alors il y a plus d'humains. Le problème aussi, c'est qu'il y a plus de riches. Alors je ne vous parle pas des grands riches, moi je vous parle du petit riche de base, tiens, par exemple l'ouvrier chinois. L'ouvrier chinois, avant d'être ouvrier, il était paysan. Qu'est-ce qu'il mangeait quand il était paysan? Ben, du riz, ou rien. Donc quand il en a eu assez de ou rien, ben, il est devenu ouvrier à Shanghai. Hein? Bon, il ne gagne pas beaucoup, hein. Il gagne 10 fois moins qu'Albi, déjà qu'on ne paye pas beaucoup Albi, mais enfin bon, avec ce salaire de misère, il mange du riz, du cochon, du lapin, du poulet, du porc. Autrement dit, il mange du riz plus tout ce qu'a mangé le poulet qu'il mange. Tiens, le poulet, qu'est-ce qu'il mange au fait? Du riz. Oh, ben, le poulet, il mange exactement comme nous, hein. C'est pas cuisiné pareil, mais c'est les mêmes ingrédients. Le poulet, il mange du maïs, du blé, du soja, du colza. Sauf que, une fois qu'il a mangé son maïs, son blé, son soja, son colza, il se chauffe. Ouais, déjà, on élève des animaux sans chauffe. On n'a rien demandé, surtout l'hiver. Donc ça consomme beaucoup de maïs de se chauffer. Hein? Et puis, il fabrique plein de trucs qui ne servent à rien, des plumes, des trucs, des machins. Et à la fin, un peu de viande. Et donc, en fait, quand on passe de végétarien à carnivore, quand on passe de manger du riz pas tous les jours à du riz tous les jours avec du poulet, on augmente considérablement sa ponction sur la planète. Tiens, il y a un végétarien dans cette salle, par exemple, ou une végétarienne? Non, vous en connaissez quand même. Il y en a une, voilà. Le beau-frère avec ses dreadlocks, là, bon, d'accord, mais on va laisser ça tranquille. Alors, il y a beaucoup de végétariens sur Terre. Il y a 3 milliards de gens qui sont trop pauvres pour acheter de la viande. Mais qu'est-ce qu'ils mangent? Des végétaux. Mais comment ça s'appelle? Végétarien. Donc, le végétarien se consomme à peu près 200 kilos de céréales par an, un peu moins d'un kilo par jour. Et puis alors, le carnivore, 800. Ben, parce qu'il mange son riz, plus tout le maïs, qu'à manger le poulet qu'il mange. Et donc, autrement dit, il faut augmenter la production agricole à la fois parce qu'on fait des bébés, et à la fois parce qu'il y a de plus en plus de riches sur Terre. Enfin, de petits riches qui se mettent à manger de la viande ou boire du lait. Bien. Et donc, il faut se rendre compte, par exemple, que ça, c'est un aspect essentiel. Alors, je suis désolé parce qu'on est sur un territoire d'élevage, mais... Voilà, j'ai un petit problème existentiel, j'ai atteint l'âge quasi de 71 ans, je lève mon couteau et ma fourchette, et puis je me demande si je vais attaquer mon septième bœuf. Parce qu'au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, un Français dans sa vie, sauf madame, se siffle sept bœufs, se siffle un bœuf tous les 10 ans. Alors il doit y avoir des efforts de bœuf ici, je ne fais pas un truc sur le bœuf, non, voilà. Alors vous avez la gastronomie française devant vous. Un Français, ça mange 7 bœufs, 33 cochons, 9 chèvres, 300 poulets. Vous avez là la gastronomie française. Actuellement, un Français, ça mange 85 kg de viande par an, plus 90 kg de lait. Alors, il y a pire que nous, les Américains. Mais, l'important, par exemple, c'est les Chinois. Du temps de Mao Tse-tung, quand ils étaient 700 millions, vous vous souvenez, le Chinois et moi, et moi, et moi, ils ne mangeaient que 14 kg de viande. Maintenant, ils sont 1,3 milliard, ils mangent 60 kg de viande. Autrement dit, la Chine a multiplié par 8 sa consommation de viande en l'espace de 40 ans. Est-ce que ça se voit en matière de ponction sur les ressources de la planète? Oui. Alors, je vais être très cynique. Heureusement qu'il y a encore une religion en Inde qui croit à la réincarnation qui ne mange pas de viande, et heureusement qu'il y a la pauvreté en Afrique. Parce que si jamais tout le monde mange comme un Français, ben d'abord c'est pas possible du tout. Le jour où on sera 10 milliards, on ne peut pas imaginer qu'il y ait 70 milliards de bœufs, plus 330 milliards de cochons, plus 13 000 milliards de poulets. Autrement dit, c'est physiquement totalement impossible d'imaginer que toute la planète mange comme un Français. Parce qu'un Français, c'est un désastre, un Français, du point de vue de la planète. On est capable, en un seul repas, de faire assiette de charcuterie, ensuite côte de veau normande nageant dans son lait, puis assiette de fromage, et puis dessert lacté, et aux œufs. Ben, c'est un désastre, le Français, qui est sur le réchauffement de la planète. Bien. Mais alors, du coup, il faut se rendre compte que, ce qu'il y a des éleveurs ici, vous avez remarqué qu'il y a une petite crise de l'élevage en Europe, en fait. Voilà, c'est normal, parce qu'on est shooté à la viande. Hein. On est shooté à la viande. Au XXe siècle, on était des êtres rationnels, on s'est fixé sur le millésime, les Français. Dans les années 30, 30 kg de viande et 30 kg de veine. Dans les années 50, 50 kg. Dans les années 80, 80 kg. Et au tournant du siècle, 100 kg. Et puis, faut dire que... Ben, au début, on allait bosser pour gagner son pain, la sueur de son front. Hein. Puis ensuite, on a dit, bon, le pain, c'est fait, je vais gagner mon beefsteak. Ensuite, le beefsteak étant fait, on a dit, je vais mettre du beurre dans les épinards. Et une fois qu'on a eu le pain, le beefsteak, les épinards et le beurre, ben, la modernité de tout ça est devenue moins forte. Du coup, tous les angles qui étaient inaudibles dans le temps commencent à être audibles. Quand l'ouvrier voulait manger un beefsteak comme le patron, vous pouviez lui parler de la cruauté des abattoirs, il s'en foutait. Il disait, bah, filez-moi un beefsteak. Maintenant qu'il est plus sûr du beefsteak, ah ben, bah, le bien-être animal. Et puis ensuite, les pets et les rots des vaches. Ah ben, bah, ça réchauffe un max la planète, hein, les pets et les rots des vaches. Et puis l'épuisement des ressources. Et puis, les excès, c'est pas si bon, hein. L'obésité, le cancer, la l'athérosclérose et tout. Donc, du coup, ça baisse. Voilà, ça commence à baisser. Et du coup, il y a une crise. Alors, il y a des gens qui disent, allez, mangez du cochon, mangez les viandes rassées, tout ça, on va faire de la pub. Mais attendez, c'est que le début du commencement. Ça va terminer à 50 kilos. Autrement dit, on a vu en Europe 15% à peu près de baisse de la consommation de viande et de lait. Il y a encore 30 à 40% à venir. Il va se passer heureusement pour la planète, heureusement, exactement pour l'élevage, ce qui s'est passé pour le vin. Vous savez, quand j'étais jeune, ah ben le gros rouge qui tâche, ça y allait, hein. Ah ben, on buvait 140 litres de vin par tête de pipe par an, bonne soeur et curé comprise. Hein. Et puis notamment, du Grand Rouge qui tâche un peu plus à l'ouest, la Carcassonne et à Narbonne. et puis on a commencé à en boire moins. Maintenant, on est à 40. On est passé de 140 litres à 40 litres. Au fait, est-ce qu'il y a encore des viticulteurs à Carcassonne et à Narbonne? Ben ouais. Mais comment ils ont fait? Ah ben, t'en veux moins, ce sera que du bon, que du cher. Déjà, au lieu de te vendre le vin au litre, on va le vendre à 75 centilitres, et puis bon. Autrement dit, le chiffre d'affaires de la viticulture française n'a cessé d'augmenter alors qu'on a passé de 140 litres à 40 litres. Donc je pense que les éleveurs peuvent entendre ça. Heureusement que dans 20 ou 30 ans, on consommera beaucoup, beaucoup moins de viande, mais il y a de la chance que le chiffre d'affaires des éleveurs ait quand même augmenté, parce que ce sera que du bon, que du cher. Parce que quand on passera, tiens par exemple, du bœuf-carotte à la carotte au bœuf, bien meilleur pour la planète, ben, le petit morceau de bœuf qui restera, eh ben, on voudra qu'il soit tendre, truc, machin, avec pleine qualité. J'espère qu'on vous le paiera. Alors, ben, ça tombe bien, vous, vous êtes déjà dans cet élevage-là, de qualité, vendu sous signe de qualité. Donc, il va falloir augmenter. Vous êtes les premiers, il faut augmenter. Mais, pour le réchauffement de la planète, il faut commencer par se poser les questions. Qu'est-ce qu'on mange demain? Voilà. Et ensuite, plein de gâchis. Alors, ça dépend si c'est le gâchis du Nord ou le gâchis du Sud. Alors, dans le Sud, c'est simple. Par exemple, en Afrique, ben, on récolte et puis on dit, je vais faire la part des choses. Hein. Ça, je vais le donner pour les rats, ça pour les moisissures, ça pour les oiseaux, ça pour les voleurs. Ça, c'est le vent. Et puis, je garde ça. Ben, c'est pas beaucoup. Ben, pourquoi tu crois que t'as faim? Attendez, au fait, ça fait 70 ans qu'on dit qu'on aide les pays africains. Moi, je dis... Où sont les silos? Où sont les tanks à lait réfrigérés à énergie solaire? Ah ben c'est ça qu'il n'y a pas. Non mais attendez, je vous rassure, s'il y avait des silos, il n'y a pas de route. D'ailleurs, s'il y avait des silos, des routes, il n'y a pas de camions. Et puis d'ailleurs, tu sais, avec le réchauffement climatique, depuis quelques années, en Afrique de l'Est, il ne pleut plus. Donc du Kenya au Niger, on a faim. Mais en Afrique de l'Ouest, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, ça va. Il n'y a pas de silo, il n'y a pas de camion, il n'y a pas de route. Puis avez-vous remarqué qu'au centre de l'Afrique, il n'y a plus que des pirates. Donc aucune chance que le rat du Sénégal arrive au Kenya. Et de temps en temps, on se dit, on veut les aider. On peut peut-être déjà les aider à stocker. Alors nous, Albi, ça peigne. Ah ben, on a nos tanks à l'air réfrigérés à la centrale de Golfech, il n'y a pas de problème. Voilà. Voilà, nous, on est des gens sophistiqués, on gâche sophistiqués. Avant de gâcher, on jette de l'emballage, de la publicité, des charges sociales, de la taxe professionnelle, des trucs et machin, puis on jette, voilà. On jette comme des malades, hein. On jette à peu près le tiers de la production. On jette à peu près 1,3 milliard de tonnes d'aliments. Ça, c'est une belle photo, hein. C'est ce que jette une famille américaine tous les mois. C'est pas ce qu'ils mangent, on est bien d'accord, c'est ce qu'ils jettent. Juste un chiffre, parce que j'ai pas le temps d'approfondir, mais vous savez combien vous jetez? Attendez. On jette le tiers de la production. Avez-vous remarqué qu'on met une tonne par an dans sa bouche? Ah, respect quand même, hein. 600 kilos de liquide, bon, allez, 400 kilos de solide, un peu plus d'un kilo par jour. Si on dit qu'on jette le tiers, ben ça veut dire que on a produit 600 kilos pour en manger 400, on en jette 200. Mais si on admet, hypothèse purement gratuite, que plus on est riche, plus on jette, les Français ont bien jeté un peu plus que 200 kilos. Allez, moi j'estime que le Français jette 240 kilos. Le Français mange 400 kilos et jette 240 kilos. Alors ce n'est pas du tout le chiffre auquel vous avez habitué, parce que faut voir l'ensemble. Il y a trois tiers à peu près, il y a 80 kilos qui ne rentrent même pas dans les statistiques. Il y a par exemple les boissons. Vous avez vu, on fait des filets, on ramasse tout. Puis avant d'arriver au port, on dit ça c'est trop petit, ça c'est trop gros, ça c'est hors quota, ça je ne sais même pas comment ça s'appelle, ça les cours. Ben, il y a 30 à 50% des poissons qui sont pêchés qui ne rentrent même pas au port, donc ils ne rentrent pas dans les statistiques. Et c'est pareil pour les carottes. Ben, vous faites des carottes, la carotte voyant petit soldat, ben, elle fait son trou et puis elle trouve un caillou, elle est tordue. Est-ce qu'il y a des carottes tordues dans le rayon légumes de votre supermarché Auchan? Ben, bien sûr que non, j'en ai dit les 40 heures du resto-champ. Vous imaginez le nombre de carottes tordues, de melons fendus, de, etc., etc. Allez, 80 kilos, qui ne rentrent même pas dans les statistiques. Ensuite, il y a 80 kilos, on va dire, dans le processus industriel et de commercialisation, puis il y a 40 kilos au resto, 40 kilos chez nous. On peut mieux faire. On jette le tiers. Ben, tout ça, c'est du gaz à effet de serre, du réchauffement de la planète, du truc du machin, hein. De l'épuisement des ressources, de l'eau, des pesticides, de tout. Tout ça pour jeter, franchement. Bon, alors moi je disais à mes étudiants, zéro gâchis, c'est pas possible. Allez, je vous mets un défi. Pendant la durée de votre vie professionnelle, on passe de un tiers de la production mondiale jetée à un quart. Votre possible quand même. Eh ben, ça veut dire qu'on récupère 300 millions de tonnes de bouffe. C'est peut-être intéressant pour éviter de réchauffer la planète et de ponctionner. Voilà. Et donc, au total, quand on voilà le résumé des défis, il faut encore augmenter de 70% la production agricole mondiale. 30% parce qu'on va être 30% de bouche en plus. 30% parce que les ouvriers chinois se mettent à manger de la viande et puis les employés indiens du lait, puis etc., etc. Donc, ils ponctionnent plus. Et 10% parce que plus on est riche, plus on gâche, malgré nos efforts. Mais ça dépend où on habite. En Afrique, il faudrait multiplier par 5. Fastoche. Ouais, enfin, pas si facile. Tiens, on peut peut-être donner une idée aux Africains. Vous êtes végétarien, restez là encore quelques années. Hein, si vous voulez conseiller un président africain, je ne vous conseille pas, comme slogan, zébu frites tous les jours. Ils n'y arriveront pas. S'ils restent végétariens, il faut quand même tripler la production en Afrique. Doubler parce que la production va doubler. Tripler parce que pour le moment, ils ne sont pas très nombreux et 40% des gens ont faim. Ce n'est pas évident. Ils n'en prennent pas le chemin. Au XXIe siècle, l'Afrique n'arrive pas à se nourrir. Alors, en Asie, il faut doubler. Ils n'y arriveront pas non plus. Grosso modo, enfin, c'est hasardeux de comparer les continents, mais les Asiatiques sont bien meilleurs en agriculture que les Africains. Donc les progrès sont plus compliqués. Puis ils ont très peu de terre et très peu d'eau. Ils vont être très affectés par le réchauffement climatique. C'est vachement gay, hein. Alors, heureusement, il y a l'Amérique. En Amérique, on a beaucoup de réserves de terre et beaucoup de réserves de productivité. Et en Europe, on est peinard. Attendez, en Europe, on mange trop et on fait plus d'enfants. Donc arrêtons de dire aux agriculteurs européens, produisez plus. Attendez, je viens de réaliser que juste les éleveurs de votre communauté de communes, là, ils nourrissent 300 000 personnes. Ben, ça va, quoi. Ça va. Je leur demande pas d'en nourrir 600 000 au moment où la consommation de viande va baisser. Bon, alors ça, c'est les défis. Et puis alors, le défi se complique. Dupont et Dupont l'avaient vu. Ah. Alors maintenant, c'est un barbu qui le dit, c'est bien moustachu. Bien. Alors bon, je rentre sur le sujet qui n'est pas le mien, mais enfin, on est là. Ben, on va avoir la température de Nice, hein. Bientôt, puis à Nice, on va avoir la température de Marrakech, puis à Marrakech, la température de Ouagadougou. Voilà, c'est simple. Il va falloir s'adapter. Et donc, ce qui est très intéressant sur l'agriculture, c'est que c'est la principale victime. On va le voir vite fait. Mais c'est aussi une des principales causes. Alors, on ne veut pas fâcher les agriculteurs, parce que déjà, c'est vachement difficile de nous faire à manger avec la planète qui se réchauffe. Mais il y a quand même un deuxième truc. Est-ce que tu peux nous faire à manger avec une planète qui se réchauffe, mais si tu pouvais en plus éviter de réchauffer la planète, ce serait quand même sympa. Donc, et bien alors, c'est ça qui est passionnant dans l'agriculture, c'est qu'ils peuvent nous arranger le coup. Qu'ils peuvent refroidir la planète. Que pareil, qu'est-ce qui peut refroidir la planète? Ben, c'est pas le marchand de vélo, hein. C'est pas le spécialiste d'Internet. Comment on fait pour, on va le voir, pour refroidir la planète, on plante des arbres et on couvre le sol en permanence. Ben, c'est qui? Les paysans. Bien. Alors, voilà, 300 millions de tonnes de bouffe. C'est faisable. Allez, on y va. Alors, les cyclones plus violents. Bon, pas à lui. Enfin, ailleurs, oui. Enfin, même pas très loin de chez nous, quand même. Il y a la Méditerranée. Méditerranée. Alors, je parle sous le contrôle de monsieur, mais enfin, vous avez repéré que le 11 novembre, on peut se baigner dans la Méditerranée. C'est sympa quand même, le réchauffement climatique. Ben oui, mais ça veut dire que la Méditerranée est plus chaude. Ben ça veut dire qu'elle s'évapore plus. Ben c'est bien ça, les nuages. Et puis de temps en temps, il y a le vent qui vient du sud. Les nuages arrivent. Ben quand on débarque de la Méditerranée, d'un côté il y a le Massif central, de l'autre côté les Alpes. Ben il pleut, et puis ça, c'est le nord, comme on dit. Ben on va forcément avoir des inondations beaucoup plus fortes. Ben c'est la faute à ce qu'on peut se baigner dans la Méditerranée. Si on pouvait pas se baigner, ben il y en avait déjà. Mais alors, je sais pas si ça va arriver jusqu'à Albi, mais enfin, c'était pas très loin, le dernier, là, hein, au-dessus de Carcassonne, donc on sait jamais. Bon, voilà. Alors, des canicules un peu plus fréquentes. Alors, pareil, la définition de la canicule à Albi n'est pas la même qu'à Marrakech, qui n'est pas la même qu'à Ouagadougou. Enfin, tout le monde va en prendre des canicules, vous l'avez vu avec les cartes de monsieur. Disparition des deltas fertiles. Bon, à Albi, ça va. Enfin, vous avez déjà, dans la communauté de communes, vous avez pris une place pour héberger vos Camarguais. Ah ben, vous allez avoir des quotas de Camarguais, hein. La Camargue, ça sera la mer. C'est-à-dire, attendez, tous les deltas du monde seront la mer. Enfin, ça dépend. Vous avez remarqué, par exemple, la différence entre les Vendéens et les Hollandais. Ben, les Hollandais, eux, ils entretiennent leur digue. Voilà. Donc, il faudra prendre aussi quelques Vendéens. Voilà. Enfin, l'eau, ça va le faire. Mais le delta du Nil, le delta de l'Irrawaddy, le delta du Yangtze-Kiang, le delta de l'Amazone, etc. Ben tout ça, ça va être la mer. Ben ça va faire des dizaines, voire des centaines de millions de réfugiés mouillés. Et puis surtout, pour la production agricole, c'est pas terrible, parce que les deltas des fleuves, c'est justement les terres les plus fertiles au monde. Et ben c'est celle-là qu'on va gâcher. Ah oh ben moi j'aurais dit on pourrait peut-être gâcher plutôt les sommets du Massif central. Ça sert moins pour manger. Bon. Alors ensuite, avancer des déserts sur les savanes. Eh ben, le Sahel se transforme en Sahara. La Mongolie se transforme en désert de Gobi. Et l'Australie devient un immense désert. C'est vachement gay. Alors, on avait vu les réfugiés climatiques humides. Ben on va avoir les réfugiés climatiques secs. Des dizaines de millions de réfugiés climatiques humides, plus des dizaines de millions de réfugiés climatiques secs, ça va pas être triste. Et puis surtout, ben c'est moins de nourriture. Si on peut plus faire du riz dans tous les grands deltas tropicaux, ben ça fera moins de riz. Si on peut plus faire un peu d'élevage dans les zones sahéliennes, ben ça fera moins de viande. Alors que faut tripler la production agricole en Afrique. Alors ensuite, il y a l'eau. Alors l'eau, vous êtes concernés quand même, hein. J'ai cru comprendre, depuis qu'il y a eu des polémiques autour de Siemens, que même chez vous, vous êtes concernés. Bien. Alors regardons. J'adore les Américains parce qu'ils modélisent tout. C'est vrai que quand on va à Biarritz, on a l'impression de l'eau, il y en a. Beaucoup. Mais c'est pas très profond. Si on prend toute l'eau de la planète et qu'on la met en tas, ça fait pas un gros tas. Ouais, enfin, ça fait pas un gros tas, mais ça, c'est l'eau salée. Alors, les paysans sont pénibles, ils aiment pas l'eau salée. Ben, c'est dommage parce que 96% de la planète est salée. Donc ça, c'est foutu. Alors, il nous reste ça. Ça, c'est l'eau douce. Non, enfin, c'est l'eau douce qui sert à rien. C'est l'eau douce des calottes glaciaires. Alors, je sais bien qu'on les forme, enfin, il y en a encore un moment, ou bien neige éternelle ou bien trop profonde. Donc ça sert à rien non plus. Non mais alors attendez, montrez-moi l'eau pas salée, pas gelée, atteignable. Voilà. Si on met en tas toute l'eau pas salée, pas gelée, atteignable de la planète, c'est ça. Bon, c'est pas tant que ça, ami. À quoi ça sert ça au fait? Ah, les écolos sont formels, à la chasse d'eau des toilettes et à se brosser les dents le matin. Certes. C'est très bien de fermer le robinet quand on se brosse les dents, mais ça sert à manger, l'eau douce. Ça sert à manger, parce que le bon Dieu, là, le troisième jour de la création, je sais pas, il devait être amoureux ou bien distrait, et il a livré la plante sans moteur, dit. Mais c'est vrai, comment il fait pour pousser la plante? Enfin, celle-là, elle est fausse, ça. Vous imaginez une vraie. Comment il fait pour pousser? Ben, il suffit d'écouter, ça fait... du buvard de notre jeunesse, vous vous souvenez, trempait les boulards roses dans une assiette d'eau devant nos yeux ébahis, sans moteur, l'eau montait. Mais on a tous pris un buvard mouillé, on l'a mis dans une assiette d'eau, je sais pas quoi, bleu, il se passe rien. Pour que l'eau monte, il faut que ça soit sec. Donc pour que la sève monte dans la plante, il faut que ça transpire. Autrement dit, nous les gens des villes, on pense que les plantes c'est pour faire beau, ou bien pour manger, mais pas du tout, le travail d'une plante c'est de transpirer. Si la plante ne transpire pas, il n'y a pas de danger qu'elle pousse. Donc il faut énormément d'eau pour se faire à manger. Tiens, énormément combien? Il y a un autre chiffre de base. 1 kilo de céréales et 1 tonne d'eau. Il faut 1 tonne d'eau pour produire 1 kilo de céréales. 1 kilo de blé, 1 tonne d'eau. 1 kilo de maïs, 1 tonne d'eau. 1 kilo de riz, 1 tonne d'eau. Bon, alors, le blé est une céréale habile. Il boit quand il pleut, mars, avril, mai, pas vu, pas pris. Le maïs. Le maïs boit quand le Parisien est en vacances. Oh là là là là! Oh, les comédies que ça fait! Mais je veux pas remuer silence, mais quand on passe du blé au maïs, il faut garder un peu d'eau du mois de février pour la resservir au mois d'août. Voilà, c'est tout. 1 kilo de blé, 1 tonne d'eau, 1 kilo de maïs, 1 tonne d'eau, et 1 kilo de poulet, ben 4 tonnes d'eau, pas à peu près 4 kilos de végétaux pour faire 1 kilo de poulet. Et 1 kilo de cochon, 6 tonnes d'eau, 1 kilo de bœuf, 11 tonnes d'eau. Et dans notre assiette d'Européens moyens carnivores, sauf si madame, 4 tonnes d'eau tous les jours. Ça relativise tout de suite la carafe d'eau. Au sens strict, on peut poser la question, aurons-nous assez d'eau pour manger? Alors bon, c'est pas grave, on dit les ingénieurs, allez, on va pas faire une maladie, t'as pas d'eau, t'as qu'à arroser. Hein? Bon, on a même inventé un joli nom, t'as qu'à irriguer. Voilà. C'est comme ça qu'on trouve des rizières en Italie. C'est comme ça qu'on trouve des serres de légumes en Provence. Et c'est comme ça qu'il y a du maïs dans le sud-ouest. Ouais. Et alors? Ben, c'est pas sûr qu'il y en a encore. Pas du tout sûr qu'il y en a encore. Donc c'est pas si évident. Alors, les rizières là, moi j'achèterai pas une rizière en Piémont, ça me paraît... Là, même là, ça va être compliqué. Là, allons-y. Bon. Vous êtes concerné par le maïs aussi un peu? Ah, attendez, s'il y a plus d'eau dans les rivières l'été, il n'y a pas de danger qu'on arrose le maïs. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il ben, faut passer à autre chose. Par exemple, une plante de pays tropical sec, au lieu d'une plante de pays tropical humide, le sorgho, par exemple. Mais en même temps, tiens, je ne vous parle pas de lac, hein, le lac, c'est un... Mais on peut peut-être faire quelque chose d'étant. Quelque mare. Hein, il faut savoir jouer un peu sur les mots. Mais l'eau la meilleure, c'est celle qu'on stocke dans son champ. Et tiens, comme ça, il faut se dire, vous avez vu, là, aujourd'hui, il a plu, hein, en venant de Toulouse, on a pris un bel orage. Sur chaque champ du Tarn et de la Haute-Garonne, il pleut assez d'eau pour faire du maïs. Notre problème, c'est de dire, dès que l'eau tombe, alors on la balance dans la rivière, on la balance dans la mer, et la mer a soif, hein. Eh bien, si on a stocké, ben comment on fait? Ben on commence à voir les solutions. On arrête de labourer. Il faut couvrir le sol en permanence, déjà, pour pas que ça ruisselle. Et ensuite, il faut élever des vers de terre. Le successeur de l'arrosage, c'est le vers de terre. Le vers de terre, il nous fait des trous verticaux. C'est sympa, ça. Alors, s'il y a de la végétation dessus, il y a des vers de terre avec des trous, ben on stocke l'eau dans son champ. C'est sympa, ça. Oui, mais le trou, il sert une deuxième fois. La petite racine du maïs, ben, le maïs, il n'a pas le temps de faire des racines profondes parce que c'est une plante annuelle. Et tout d'un coup, ben, il y a un trou, ben, je veux y aller. Quand il n'y a pas de vers de terre, le maïs, il fait des racines sur 50 cm. Quand il y a des vers de terre, il fait du maïs, ses racines sur 1,50 m ou 2 m. Ben, justement, c'est là qu'on a stocké l'eau. Autrement dit, peut-être qu'on pourra continuer à faire du maïs à condition d'arrêter de labourer. À condition, au lieu d'être des laboureurs, de devenir des éleveurs de vers de terre. Donc on voit que, voilà, augmentation des risques sanitaires, Bon, là, vous y êtes quand même en plein dedans, hein, surtout les éleveurs. Quel est le principal ennemi de l'homme, au fait? Le voilà. Un ennemi parfaitement respectable. Hein. Ah ben, il y en a qui disent le principal ennemi de l'homme, c'est le crocodile. Ouais, crocodile, après, il se croque 17 odiles par an. Hein. Ah non, c'est le requin, mais le requin, ça va, quelques dizaines. Non, le vrai ennemi, c'est celui-là. Pas lui dire, dingue, chikungunya, sika, etc. 800 000 morts au tapis. On n'a que deux ennemis, en fait, le serpent et le moustique. Enfin, le moustique, il envoie 8 fois plus d'hommes au tapis que le serpent. C'est notre principal ennemi. Alors, il faut toujours apprendre à connaître ses ennemis. C'est pas parce qu'on a un ennemi qu'il faut être injuste. Il y a un défaut que le moustique n'a absolument pas. Il n'est pas du tout raciste. Regardez, vous voyez un moustique en Afrique noire, il voit un noir, il pique. Il migre un peu, il voit un arabe, il pique. Il franchit Gibraltar, il voit un espagnol, il pique. Il franchit les Pyrénées, il arrive à Albi, il pique. Et ça y est, vous l'avez votre moustique tigre, en fait? Oui. Normal. Autrement dit, il faut se rendre compte que si on a chaud, on va avoir toutes les maladies des pays chauds. Il n'y a pas de raison. Hein? On a déjà le moustique tigre, mais on va avoir le reste. Voyons. Bravo le ver de terre. Laissez-moi un peu la main, de nouveau. Alors, la fièvre catarrhalovide, la peste équine, la fièvre de la vallée du Rift, la fièvre des Nils occidentales, la leishmaniose, la leptospirose, ça va être génial, très très lourd, ça va être passionnant. Absolument passionnant. Mais rassurez-vous, il y en aura aussi pour les agriculteurs, parce que printemps chaud et humide, ah, bonjour les champignons, bonjour la rouille, l'œil d'homme, le tablon, le mitou, le gravel, le fusario, ça va être très intéressant d'être agriculteur. Si on a chaud, on va avoir toutes les maladies des pays chauds. Bien, migration des cultures, baisse des rendements. Alors, baisse des rendements, vous êtes juste à la frontière. Est-ce que chez vous, ça va baisser? Ou est-ce qu'on peut maintenir? Ou est-ce qu'on peut augmenter? Parce que déjà, il faut s'apercevoir que dans tous les pays tropicaux, il n'y a pas photo. Eux, ils vont avoir fromage, dessert, café, pousse-café, la crémière et tout. Ils vont avoir cyclone, plus inondation, plus sécheresse, plus maladie, plus épidémie. Dans les pays du Nord, ça va être beaucoup plus compliqué, mais on peut peut-être se débrouiller pour produire. Parce que regardez, le soleil, c'est quand même la photosynthèse. C'est pas mal. Ensuite, on aura quand même de l'eau. Albi ne va pas devenir un désert. Il y aura quand même de l'eau. Et puis ensuite, mais la concentration en gaz carbonique dans l'atmosphère, c'est vachement bon pour les agriculteurs, parce que le gaz carbonique, c'est la nourriture des plantes. S'il y a de l'eau, du soleil et du gaz carbonique, normalement on peut produire. Alors ça va être plus compliqué, etc. Mais, donc c'est très injuste. Ça va être très compliqué le réchauffement climatique, mais il n'est pas impossible qu'on puisse augmenter un peu la production là où on n'en a pas besoin, et partout là où on en a besoin, ça va baisser. Voilà, on est du bon côté du monde. Enfin, vous êtes juste à la frontière. Ça, c'est une carte de la communauté européenne, je ne sais pas si elle est validée, j'y ai, mais. Voilà, vous êtes juste là. La France, elle est coupée en deux par les effets du réchauffement climatique sur l'agriculture. Moi qui suis à Angers, je dis, je suis du bon côté. Ça va être vachement plus compliqué. Il va falloir, ça va être super prise de tête, l'agriculture. Mais peut-être qu'on peut y arriver. Et donc, grosso modo, sur une ligne qui va de Bordeaux à Valence, et puis il est plus au bas en dessous, plus c'est compliqué, il est probable que, malgré tous nos efforts, les rendements baissent. Alors vous êtes juste sur la frontière, là. Donc, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Mais en tous les cas, il va falloir se décarcasser un maximum. Voilà. Exemple de réchauffement climatique en France. Ben, l'eau dans la Garonne à Toulouse, ce sera comme l'eau du Gard à Nîmes. C'est ça qui aura plus l'été. Entre parenthèses, c'est mal parti hein, pour les vers de terre. Je m'excuse, j'ai un très mauvais bilan carbone. Je suis venu en avion. J'étais à côté du hublot. La Haute-Garonne, elle est marron. Enfin, c'est dément, ça. Enfin, on a un énorme problème de réchauffement climatique, un énorme problème d'énergie. Et les paysans disent, non, le soleil, moi, je l'utilise 6 mois par an, ça suffit, hein. Enfin, c'est impossible. Enfin, il y a quand même un décret de base qu'on devrait prendre, la couleur marron, elle devrait l'avoir interdite. Mais c'est quand même simple à prendre. Je veux dire, tout rayon du soleil qui nous fait l'honneur d'arriver sur nos champs doit fixer du carbone et l'azote. La France, elle doit être verte ou blanche. Point. Le marron est dorénavant interdit. Mais le blé souffrira des canicules. Alors, vous n'êtes pas des gros producteurs de blé, mais... Parce que les canicules avant, elles s'étaient bien élevées. Elles arrivaient quand le blé était déjà dans les silos. Maintenant, les premières canicules arrivent au mois de juin. Mais attendez, depuis la canicule de 2003, maintenant, fais attention, grand-mère, quand il y a les canicules, tout le monde, dans toutes les mairies, alors, grand-mère, t'as bien vu, tu veux bien faire un tour au supermarché parce qu'il fait frais et tout ça. Mais on ne peut pas faire ça pour le blé. Ben, le blé, quand il a trop chaud, ben, il produit moins. Bon, les oliviers en difficulté, voilà. La forêt des Landes, il faut se dire qu'à terme, c'est foutu. Enfin, attendez. Il faut 40 ans pour récolter un pain maritime. J'ai déjà été 3 fois au conseil régional à Bordeaux. Je leur ai dit, il faut 40 ans pour récolter un pain maritime. Vous êtes au bord de la mer. Les vents dominants viennent de l'ouest. Qui est-ce qui veut bien se lever, lever la main droite et dire, il n'y aura pas de tempête pendant 40 ans? Ben c'est marrant, ils sont tous restés le cul sur la chaise. J'ai dit, je m'excuse d'être provocateur, mais pourquoi vous replantez? Pourquoi vous replantez des pins que vous savez que vous ne récolterez pas? Il faut se rendre compte que la menuiserie dans la plus grande forêt d'Europe, elle est probablement terminée. Ben, qu'est-ce qu'on peut faire à la place? Il n'y a qu'à relire les fables de La Fontaine. Il faut mettre un truc qui plie, mais non, pas. Ben, je ne sais pas, des taillets de croissance rapide pour faire de l'énergie, par exemple. Mais la menuiserie est fortement compromise. Ouais, je suis bien d'accord. Attention au coup de soleil. On se refait. Voilà. Et puis, regardez ça. Ça, c'est quand même très emblématique. Dans le coin, là, M. Riquet, génial quand il a fait le canal du Midi. Il a dit, il faut tenir un peu les... faut tenir les rives. Et puis il dit, qu'est-ce qui pousse bien le platane? Eh bien, allons-y, on a 1500 km de platane, dit. Eh bien, maintenant, il y a le chancre coloré. On va probablement abattre 500 km de platane. Bon, ben voilà. Ben voilà, voilà. Et puis alors, sur la Côte d'Azur, c'est le palmier. Eh bien, il a droit à son charançon. Et puis, dans la vallée de la Loire, il y a des châteaux de la Loire avec des puits. Ben, la pyrale du pluie. Alors, même chez nous, où le réchauffement climatique est quand même très, très, très modéré, il n'est pas impossible qu'il n'y ait plus de platane sur le canal du Midi, qu'il n'y ait plus de palmiers à Nice et à Cannes, et qu'il n'y ait plus de jardins à la française dans les châteaux de la Loire. Donc, c'est pas sous-estimé quand même. Bien. Donc, l'agriculteur victime. Maintenant, l'agriculture cause. Voilà. Alors, il paraît que notre empreinte carbone, c'est 12 000, je sais pas quoi, l'équivalent. Hein. Bon, ben, l'alimentation, c'est pas rien. Hein. Le transport d'abord, le bâtiment. Alors, je vois que dans la région, on veut essayer de faire des trucs pour le transport, mais enfin, c'est mal parti, hein, avec tous ces gens qui habitent à 30 km de leur boulot, de prévoir un peu d'imagination. Et puis le bâtiment, ben attendez, c'est simple. Attendez, il y a 20 millions de bâtiments à isoler en France. Et quand on dit on va t'en subventionner 50 000 par an, moi je dis, tu veux rigoler ou quoi? Moi je te parle de 20 millions de bâtiments. Alors qu'est-ce qu'on fait? On s'y met ou on s'y met pas? En plus, quand on s'y met, il n'y a plus qu'une tasse de café à boire. C'est quand même sympa. Bon, et l'alimentation. Et donc, l'alimentation, à travers l'agriculture et l'élevage, ça réchauffe un max la planète. Alors, je vais vous dire une chose qui ne va pas plaire aux éleveurs. Un végétarien qui roule en 4x4 réchauffe moins la planète, hein, qu'un carnivore qui roule en vélo. Je veux père Huet est pas à la fin des fins, hein. Ils vont m'attendre à la sortie. Ben oui, je suis désolé. L'idéal, c'est carotte au bœuf et vélo. Bien. Parce qu'on parle du gaz carbonique, mais il se trouve que pour l'agriculteur, le gaz carbonique, c'est très mineur. C'est que 10% à peu près du gaz à effet de serre de l'agriculture. En fait, les agriculteurs, on adore des gaz bien plus délétères. Mais nous, on est efficace, on va directement à l'efficacité. Voilà. Alors, par exemple, ben, le PET et l'euro des vaches. Le méthane. Ben, ça, c'est le coup des marais. Vous avez tous été dans un marais, puis le guide s'arrête au milieu, il prend un bâton, il secoue, il met le briquet, le marais se met à flamber. La décomposition de la matière végétale en milieu chaud et humide, ça produit du méthane. Ben, c'est quoi dans la panse de la vache ? Ben, il faut bien que le méthane y sorte. Le problème du méthane, c'est qu'il est 23 fois plus polluant, 23 fois plus réchauffant que le gaz carbonique. Donc, quand nos vaches ont éructé une tonne de méthane, c'est comme si le tracteur avait éructé 23 tonnes de gaz carbonique. Donc, même si ce n'est pas beaucoup de méthane, c'est beaucoup de réchauffement. Et on n'est encore pas, on n'est qu'au milieu. Le gaz le plus réchauffant, c'est le protoxyde d'azote. Alors, il y en a plein qui n'en ont jamais entendu parler. Alors là, une saloperie intégrale. Lui, il est 298 fois plus réchauffant que le gaz carbonique. Donc ça mérite qu'on s'y intéresse. Il vient d'où ? Ben, des engrais azotés. On balance les engrais azotés. Comme chacun sait, les plantes consomment bateau. On remue, on laboure, on laisse le sol nu. Et le reliquat d'engrais azotés se transforme en protoxyde d'azote 298 fois plus réchauffant que le gaz carbonique. Et donc, quelque part, à la fin des fins, l'agriculteur produit beaucoup de gaz à effet de serre, même si ce n'est pas tellement pour le poids du tracteur. Bien. Alors maintenant, comment on fait des solutions ? On a déjà vu, par exemple, hein, on arrête de labourer. Enfin bon. Alors, grosso modo, il faut des gaz à effet de serre. Hein. Parce que s'il n'y a pas de gaz à effet de serre comme sur Mars, il fait frisquet. Mais s'il y a trop de gaz à effet de serre comme sur Vénus, c'est un peu chaud. Donc c'est bien d'avoir un peu de gaz à effet de serre. Et un peu, c'était ça. Et puis on en a rajouté un bon peu. Et ben, du coup, tous les emmerdes, ça vient de ça. Hein, les civilisations industrielles. Bon. Et puis, il y en a plein au fond de la mer. Mais enfin, comme il a dit, c'est compliqué le fond de la mer. Et puis on s'aperçoit que du carbone, il y en a plein. Sous le pied. Enfin, de plus 5 mètres, plus 10 mètres, à moins 5 mètres. C'est-à-dire du sommet des arbres à notre champ. Le carbone qui est dans notre champ, il représente 0,4%, 4 pour 1000, de ce qu'on balance dans l'atmosphère. Vous avez entendu parler de ça, 4 pour 1000. Et tout d'un coup, la société se retourne dans les agriculteurs en disant... Tu ne peux pas augmenter ton stockage de carbone dans ton champ de 4 pour 1000, enfin 4 pour 1000. Ben, y arriver, non ? Ben, c'est pas inatteignable, 4 pour 1000. 4 pour 1000, c'est génial, ça nous permet d'attendre. En étant totalement irresponsable, on continue à cracher de la fumée. Ben, ce serait super, on pourrait décorer de l'ordre national du mérite tous les paysans qui augmentent de 4 pour 1000 le stockage du carbone, parce que objectivement, ils refroidissent la planète. Absolument. Continuons. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, il y a plein de solutions. Méthanisation. Surtout, on arrête les engrais azotés, on remplace ça par des, par exemple, de l'azote naturel, des légumineuses. On couvre les sols en permanence. On change un peu les rations des animaux pour qu'ils pètent moins, qu'ils rotent moins. On couvre les fosses salivières, on met des légumineuses, on gère les prairies, etc. C'est pas possible, mais surtout plante des arbres. Surtout plante des arbres. Alors il paraît que, je parle sous votre contrôle, mais qu'il faudrait planter 300 millions d'hectares. Ouais. Bon, on commence. On peut peut-être en planter quelques hectares dans le Tarn, même s'il y en a déjà. Ouais, ben, c'est pas ce qu'on fait, parce que pour le moment, Pour le moment, il y a une excellente affaire, c'est investir dans les usines de tronçonneuses. Les usines de tronçonneuses fonctionnent à plein tube. Il faudrait replanter 300 millions d'hectares, et en fait, on avait 18 millions d'hectares, la moitié de la superficie de la Belgique, tous les ans. Alors partout, en Indonésie, en Sibérie, en Amazonie, c'est génial. Ah non, mais là, franchement, c'est ringard. On va le couper, le brûler, soyons modernes. Ben oui, mais enfin, qu'est-ce qu'on veut? Alors, l'Amazonie disparaît, en Afrique, les forêts disparaissent, en Sud-Est asiatique, partout. Bon. Tiens, en fait, Monsieur Bolsonaro. Monsieur Bolsonaro. On n'est pas copains de Monsieur Bolsonaro, hein? On s'insulte, ça, nos chefs d'État s'insultent, tout ça. On dirait, qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi tu fais flamber, là? Pourquoi tu fais flamber? Parce que c'est pas des feux naturels, c'est des feux allumés par les paysans. Pourquoi les feux? Pourquoi les paysans allument des feux? Ben pour faire du soja. C'est pour vendre à qui? Ben nos cochons et nos poulets. Ben, il y a quand même un petit cynisme d'engueuler M. Bolsonaro quand il fait brûler la forêt vierge pour faire du soja pour nos cochons et nos poulets. Ah, parce que nos cochons et nos poulets, ils n'ont pas décolonisé encore. Vous avez vu, nous, on a quasiment tout décolonisé, mais les cochons et les poulets ont dit non, on va se garder une petite part pour la soif. Les champs de soja en Amérique latine, qui fournissent du soja pour nourrir les cochons, les poulets, les canards, les lapins et les veaux européens, couvrent 20 millions d'hectares. 20 millions d'hectares, vous savez ce que c'est? La superficie agricole de la France. Autrement dit, on a décolonisé, mais on s'est gardé une colonie. Pour les cochons. Et donc, au bout d'un moment, il est assez légitime de dire, en Europe, il faut élever les animaux qu'on peut élever avec nos végétaux. Basta. Et ensuite, on pourra faire les gros yeux à M. Bolsonaro. Donc, ça tombe bien, on va produire moins d'animaux. Comme on va produire moins d'animaux, et mieux, on va croire nos protéines végétales nous-mêmes. Bien. Mais il y en a qui ont dit, ouais, les forêts quand même, faut replanter, ben il y en a qui ont la trouille, hein. Ben, l'Inde et la Chine, c'est des pays qui sont vraiment, vraiment, vraiment attaqués par le réchauffement climatique. Et j'ai découvert ce chiffre extraordinaire, que dans les 20 dernières années, la Chine a replanté l'équivalent de l'Amazonie, et l'Inde a replanté l'équivalent de l'Amazonie. Donc, eux, ils ont envie. Mais, les Chinois, par exemple, ils ont dit, bon, on roule les mécaniques, il nous faut une armée, mais on ne sait pas quoi lui faire faire, plutôt que boire des bières à sa circuit qui tente, et on va lui faire planter des arbres. Il y a 60 000 soldats en Chine qui plantent des arbres. Mettons qu'ils plantent chacun 10 arbres par jour, ça fait 600 000 arbres. Ça fait beaucoup. Le problème, c'est qu'il faut se mettre en prière pour espérer que ça marche. Parce que, d'accord, ils replantent l'équivalent de l'Amazonie, mais même si on n'est pas spécialiste, prévoir un petit délai avant que ça compense les pertes de l'Amazonie. Et puis, c'est pas tout planté, pas sûr que ça marche. Mais enfin, c'est jamais. Alors, c'est quoi le but? Tiens, j'ai essayé d'avoir un chiffre qui peut comprendre. Il y a combien d'arbres sur Terre? 3 000 milliards d'arbres. Ah ouais, quand même, 3 000 milliards d'arbres, ouais. Il faudrait en replanter combien pour refonder un arbre? 1 000 milliards de plus. Bon alors, c'est peut-être possible. Si je vous avais dit qu'il faut planter 1 000 milliards d'arbres, vous êtes dit ce mec-là est cinglé. Cette solution est impossible. Mais si je vous dis qu'il reste 3 000 milliards d'arbres sur Terre, il faut en planter 1 000 de plus, on se dit, bah, peut-être quand même. C'est pas que de la forêt, hein. Les haies, ça compte aussi, hein. Bah, 1 kilomètre de haies, ça fait l'équivalent à peu près d'un hectare. Comment on a dit ? Des arbres partout. Partout. Partout, des arbres. Bien. Voilà, c'est possible. Je suis d'accord. Alors, je ne vous demande pas dans votre communauté de communes de planter 1 000 milliards d'arbres. Mais enfin, vous pouvez sûrement replanter. Allez, on continue. Voilà. Et puis, vous savez, j'ai dirigé une école d'agriculture. L'agriculture au XXe siècle, c'était simple, selon mes prédécesseurs. Toujours plus de terre, toujours plus d'eau, toujours plus d'énergie, toujours plus de chimie, toujours plus de carbone, toujours plus de... C'était le bon temps. Et maintenant, l'agriculture, c'est moins de terre, moins d'eau, moins de pétrole, moins de chimie, moins de tracteurs et moins de gaz à effet de serre. Ah ben, tout ça en même temps. Mais comment qu'on fait, dit ? Ben, c'est pas si simple, hein ? Ben, alors, qu'est-ce qui reste ? Ben, la bio. Le problème de la bio, c'est les querelles de famille. Ces gens-là se détestent. Parce que dans la famille bio, en fait, il y a deux familles. Il y a la famille accélérée et la famille respectée. Alors, la famille accélérée est très bien représentée au United States of America. On dit plus 70% sans tracteur, sans glyphosate, pour les pauvres, sans néonicotinoïdes, sans engrais. Mais comment je vais faire, les gars ? Bah, c'est là que ça va enfoirer en disant pourquoi je t'arrange le coup, je te mets le gène directement dans la plante, les oeugènes sont arrivés, succès mondial, tout le monde applaudit. Oui, bon, d'accord, on se calme. Voilà. Enfin, on ne peut pas parler des OGM ici, puisqu'on n'en a pas. Et ça veut dire qu'il n'y a pas d'OGM sur Terre ? Ben, bien sûr que si. Pourtant, on est nul en OGM. Hein. Nul de chez nul. Hein. Des OGM insecticides, ben, tous les insectes finissent par s'habiter aux OGM insecticides, à la fin, ils ne sont pas insecticides. Ou des OGM compatibles avec l'herbicide, à la fin, toutes les mauvaises herbes sont compatibles avec l'herbicide, ça ne sert à rien. Ben, vous savez combien il y en a quand même ? 18 millions d'agriculteurs qui s'aiment ça. 9 millions d'hectares. Oui. Vous avez un moustachu qui habitait pas loin d'ici, qui se lève le matin pour les arracher des OGM. Donc il faut savoir quelle est la feuille de route. Ben, c'est un champ sur 9 sur la planète. C'est 9 fois la superficie. C'est 180 millions d'hectares. 9 fois la superficie de la France. Autrement dit, prévoir de se réveiller tôt le matin si on veut arracher les OGM. Donc c'est démarré. En Amérique, OGM 1, anti-OGM 0. Ici, dans le sud-ouest, moustachu 1, Monsanto 0. Bon, d'accord. Le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on veut. On sait ce qu'on ne veut pas, mais on ne sait pas ce qu'on veut. On dit, je voudrais que tout continue comme avant. Mais ça, ce n'est pas possible. Hein. Ne pas changer quand la planète change à toute vitesse, c'est être sûr de se planter. Donc, il va falloir changer. Alors, ben, qu'est-ce qui reste ? Ce qu'on sait, c'est produire beaucoup avec plein de fuites. Mais on ne fait pas confiance à la nature. On dit la nature, c'est pas fiable. Non. Moins je me sers de la nature, mieux je me porte. Donc je vais tout remuer pour recommencer à zéro. Je vais mettre des poudres blanches, violettes, jaunes à pois bleus. Ouais, mais c'est fini, on a inventé les écolos. Alors les écolos, vous avez vu, ils sont très bruyants. Ils disent, je veux bien manger une côte de porc, mais j'aimerais bien boire de l'eau du robinet. Et puis quand je vais sur la plage, j'aimerais bien qu'il n'y ait pas trop d'algues. Et puis quand même le cancer. Non, franchement, arrêtez tout. Alors je m'excuse, parce que je suis sûr qu'il y a plein d'écolos ici, mais c'est le petit bout de la lorgnette. Le vrai bout de la lorgnette, il était là-haut. Pardon ? Très bien. Génial. Exactement. Voilà. Autrement dit, il faut passer d'une agriculture totalement accro aux ressources qui réchauffent la planète et non renouvelables, à une agriculture basée sur l'alliance avec la nature. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, il y aura moins de fuite et moins de réchauffement. Et donc le problème des agriculteurs, la feuille de route, c'est assez simple. Hein. Filer nos du rendement parce qu'il faut manger. Séquestrer nos du carbone parce qu'il faut refroidir la planète. Un peu de biodiversité parce que je n'en ai pas parlé, mais il n'y en a plus. L'environnement parce que c'est sympa de se promener dans une campagne accueillante. L'emploi parce qu'on n'a plus envie. Et la qualité parce que quand même, fastoche. Alors les agriculteurs légitimement disent, vous ne pouvez pas hiérarchiser vos priorités pour voir. Alors, ben, on commence par la chimie. Hein. La chimie a très mauvaise presse. Voilà. Mais parce que la chimie a mauvaise presse, parce que c'est une chimie en cible. Herbicide, fongicide, insecticide. La chimie tapis de bombe. Avec des dégâts collatéraux. En fait, tout ça, c'est une agriculture d'ignare. Excusez-moi, je suis sûr qu'il y a plein d'agriculteurs. Mais on ne connaît que dalle. Mais on ne connaît absolument rien que la nature. Est-ce que vous avez réalisé qu'on ne connaît que 10% des êtres vivants ? Première fois que j'ai entendu ça, j'ai dit, comment qu'ils font pour compter les 90% qu'on ne connaît pas ? Bonne question. Donc, merci d'avoir posé. Bon, grosso modo, on connaît toutes les grosses bêtes. On connaît les girafes, les rhinocéros, les grands singes, etc. Déjà, dans les souris, on ne connaît pas tout. Bien, dans les petites bestioles, on ne connaît que dalle. Est-ce que vous avez réalisé que dans un gramme de terre, de forêt, il y a 4000 espèces de bactéries, 2000 espèces de champignons? Espèces, hein? Vous en connaissez combien? Les bactéries, c'est tout petit. Tout petit, petit. Si on pesait toutes les bactéries qui sont dans nos champs, ça peserait 1200 fois l'humanité entière. Vous allez quand même créditer qu'un truc qui pèse 1200 fois l'humanité, même si c'est tout petit individuel, ça doit servir à quelque chose. Et les champignons, ça pèse 200 fois l'humanité. Ben, ça doit servir à quelque chose. Le problème, c'est que comme on ne connaissait pas tout ce qu'il y avait, comme on n'avait pas réalisé, par exemple, que sous chaque mètre carré de terre, il y avait 230 millions d'êtres vivants. 230 millions ? Vous en connaissez combien ? C'est seulement aujourd'hui qu'on va faire connaissance, grâce au progrès gigantesque du monde, du silicium, etc. C'est seulement aujourd'hui qu'on va dire « Bonjour, petite bactérie, comment t'appelles-tu ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Moi, parmentier, saltimbanque, professionnel. Bon. Ah, mais c'est intéressant ce que tu fais. Je ne peux pas t'aider à faire ce que ton boulot. Et donc, la chimie de demain, au lieu de détruire la nature, ça va consister à essayer d'aider toutes les petites bestioles à faire leur boulot. Alors ensuite, c'est pareil pour la génétique. On peut évidemment trouver des plantes. Je termine. Hein. C'est ça que je veux dire. Hein. Je sais que je ne sais pas faire comprendre, mais qu'est-ce que je fais forcément. D'habitude, il y a 15 diapos derrière chacune. Bon, on peut évidemment trouver des plantes qui répondent mieux aux besoins d'aujourd'hui. Alors ensuite, ben voilà, c'est l'alliance du monde du carbone et du monde du silicium qui va inventer le monde de demain. Et puis évidemment, on va faire de l'écologie. Alors, ben, il faut arrêter de labourer. Il faut couvrir le sol en permanence. Voilà. Alors c'est vrai que la première fois qu'on met la petite graine là, il faut avoir le courage. Allez, je vous fais la provoque intégrale. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Il est en train de semer, bien sûr. Non mais tu vas pas mettre la graine là quand même. Ben, bien sûr que si. Mais ça, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est ce qu'on a semé au cul de la moisson de batteuse, au fait. Ben, le blé, c'est un véritable scandale pour la nature. Imaginez-vous qu'on récolte le blé le 10 juillet, au début du rayonnement solaire, et ensuite on se croise les bras. Juillet, août, septembre, octobre, le soleil, je m'en fous. Mais attendez, on a inventé la moissonneuse, puis la moissonneuse batteuse, puis la moissonneuse batteuse lieuse, maintenant il faut inventer la moissonneuse batteuse lieuse semeuse. Il n'y a rien de plus urgent que de semer un semps de blé dans les 2 heures après la récolte, quand il y a encore un petit peu d'humidité. Et on sème pas n'importe quoi. C'est des plantes de service qui vont nous rendre service. Des mélanges de plantes qui vont élever les vers de terre, qui vont amener de l'azote, etc. Voilà. Alors, ben, je l'ai oublié. Mais ces plantes, elles ont été choisies spécialement aussi parce qu'elles sont gélives. Elles gèlent l'hiver. Donc, au mois d'octobre, au mois de novembre, au décembre, ça va geler. Et donc, c'est bon. Mais du point de vue chimique, c'est du carbone, de l'azote, de l'hydrogène, de l'oxygène. Mais que du bon, mon coco. Autrement dit, cet agriculteur, il n'achète pas d'engrais, il cultive son engrais. Et tout d'un coup, on s'est dit, l'engrais, c'est super réchauffant pour la planète, c'est super des ressources. Et bien, ça se cultive. Il faut remplacer l'acier par les racines et le fioul par la photosynthèse. C'est un bon programme. Voilà l'engrais. On arrête de mettre de l'engrais qui réchauffe la planète, on cultive son engrais. Il faut faire au moins 2 récoltes par an, les agriculteurs. Une récolte d'engrais, une récolte de bouffe. Et puis ensuite, ben, par exemple, le glyphosate à mauvaise presse. Donc les paysans disent, il faut nous trouver une solution alternative. Et si on trouvait une solution alternative du 21e siècle, si on cultivait des plantes herbicides. C'est quoi une plante herbicide? C'est une plante qui a été très sélectionnée, qui cumule 3 qualités. Première qualité, je suis la première à pousser. Comme je pousse plus vite que les autres, je suis tout seul. Génial, je m'épanouis. Deuxième qualité, je l'ai choisi avec des feuilles larges. Je m'épanouis. Je fais de l'ombre aux autres. Ben, ça s'appelle comment? Ben, herbicide. Troisième qualité, je gèle l'hiver. Et tout d'un coup, on se dit, mais c'est ça qui est intéressant. L'herbicide, il faut arrêter de l'acheter. Ça se cultive. On va cultiver nos herbicides comme on cultive nos engrais. Et puis, c'est pareil pour l'insecticide. Donc l'autre, c'était la plante de service qui me donne le service. Ça, c'est l'animal auxiliaire de culture. Et donc, l'insecticide, c'est élever des bébêtes qui mangent les bébêtes qui mangent nos plantes. Un musée des horreurs. Hein. Cette bestiole-là, elle peut manger 100 pucerons par jour. Âme sensible, ça veut te dire. Tous les agriculteurs vont redevenir des éleveurs de bébêtes qui mangent les bébêtes qui mangent nos plantes. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que tout ça, c'est un seul système. Parce que toutes les bébêtes qui mangent des bébêtes qui mangent nos plantes ont besoin de la haie au moins à une période de leur vie. Donc il ne s'agit pas de dire on fait comme d'habitude business as usual, mais je te retire le glyphosate, ben, tout se casse la gueule. En fait, il faut passer massivement d'une agriculture chimiquement intensive à une agriculture écologiquement intensive. Écologique, ça veut dire intensive en vers de terre, intensive en arbres, intensive en mélange de plantes, etc., etc. Et tout ça, ça refroidit la planète au lieu de la réchauffer. Voilà. Alors, je vous propose de voter. Tout le monde a vu la motion. Abstention. Vote contre. Bien. Je voulais faire la rigolade, mais vous avez compris que c'est dramatique. Voilà. Mais, c'est pas désespéré. De plus en plus de communautés de communes, de plus en plus d'agriculteurs, de plus en plus d'urbains, de plus en plus de consommateurs disent oui, quand même. Moi, je demande la peine, il va falloir faire quelque chose. Alors, je vous fais un petit programme. La richesse est sous nos pieds. Exactement. 230 millions de bébêtes sous nos pieds. Quand est-ce qu'on passe des alliances avec eux au lieu de les détruire? Allez, maintenant, mon programme. Ne plus rien cacher. Ne plus rien cacher. Alors, modifier notre alimentation alimentaire, ça concerne 100%. Allez, peut-être 99%, il y en a peut-être qui ont déjà changé. C'est quoi bien manger en France aujourd'hui? Moins de sel, moins de sucre, moins de matières grasses, moins de lait, moins de viande. Désolé pour les éleveurs. Moins, mieux, payer plus cher. Alors quoi plus? Ben, plus de céréales, plus de légumineuses. Il n'y a pas que les protéines animales dans la vie. Il y a aussi les faillots, il y a aussi les lentilles, il y a aussi les pois chiches. Pourquoi on met tous nos œufs dans le même panier? Bon, plus de fruits et de légumes de saison, locaux. Bien si vous voulez, tout ce que vous voulez, voilà, à la cantine. À la cantine, s'il y a des parents d'élèves, au lieu de réclamer sans arrêt le ticket de cantine moins cher, on peut peut-être changer, dire « Moi, j'aimerais bien que les enfants de la cantine mangent de la nourriture du Tarn. » C'est pas si bête, non? Bien, bon, et qui réchauffe pas trop. Inventer cette agriculture écologiquement intensive qui, à la fois, permet de se nourrir, à la fois augmente la fertilité du sol et à la fois refroidit la planète. Bon, conserver un maximum d'eau dans, à côté, mais surtout dans nos sols. Et ici, attention au lac. Hein. Enfin, des mares et des mers de terre, ça va encore, ça passe. Ben oui, l'eau qui tombe au mois de novembre, il faut se la garder jusqu'au mois d'août. La mer n'a pas soif, la mer, elle a assez d'eau, elle en a même trop. Bien, conserver nos sols. Couvrir nos sols en permanence, fixer de la photosynthèse, choisir des mélanges de cultures plus résilientes, même les années où il pleut, même les années où il y a grêle, même les années où il fait froid, même les années où c'est sec. Pas mettre, replanter les arbres partout, et notamment dans votre communauté de communes. Voilà. Inventer cette nouvelle chimie bio-inspirée au lieu de la chimie militariste inspiré, protéger les frontières et soutenir les agriculteurs. Est-ce que vous savez, quand on voit ce qu'on voit et qu'on entend ce qu'on entend, moi ça me rassure, quand je pars de chez moi, de voir des agriculteurs et des éleveurs. Mais si on veut des éleveurs, il faut les élever. Ben, ça veut dire quoi élever les éleveurs? Ça veut dire leur payer leurs produits, de telle manière qu'ils peuvent en vivre. Comme vous avez vu, la crise dans le lait. Ben à la fin de la crise dans le lait, les vaches à l'abattoir, et l'éleveur à Pôle emploi. Ben, vous y croyez, vous, ensuite, 20 ans après, aux Parisiens qui arrivent pour faire des vagues dans le coin? Attendez. Avant de balancer tous les efforts à Pôle emploi, si on aime d'avoir encore un peu de lait, bon, pas trop, bon, ben, faut élever les éleveurs. Et donc, quelque part, faut créer des réseaux de relations, en particulier chez vous, mais dans les grandes villes, c'est plus compliqué. Hein. Quand on est à Paris, 10 millions d'habitants, c'est vachement compliqué de connaître son éleveur et son truc. Mais là, tout le monde peut connaître son éleveur, hein, et son céréalier, et ses fruits et légumes. Eh bien, allons-y, c'est le moment de créer du lien social et de bien manger. Et du coup, je vous pose la question, qu'est-ce qu'on mange demain à midi? Comment est-ce qu'on réchauffe la planète demain à midi? Ou on ne la réchauffe pas? Quelle relation? Et surtout, souvenez-vous, quand on achète un produit, on achète le monde qui va avec. Or, le produit qu'on achète le plus, c'est la bouffe. Donc, c'est celui sur lequel on doit s'interroger le plus, de quel est le monde qui va avec ce que je mets dans mon assiette. Et justement, vous êtes dans un endroit où vous êtes 60 000, il y a encore plein d'agriculteurs, vous pouvez sûrement inventer plein de choses. Voilà, merci de votre attention.